Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver après 2 mois d'absence, autant n'emporte l'histoire et hop, c'est reparti pour une nouvelle année d'aventures, de découvertes, de personnages cocasses et tragiques, de drames politiques ou intimes, toujours historiques. Et ce soir, pour débuter cette nouvelle série, 1871, la rencontre de Stanley et Livingstone. Docteur Livingstone, I presume. Cette question célébrissime a-t-elle réellement été posée le 10 novembre 1871 par l'aventurier Henry Morton Stanley, lorsqu'arrivé dans un village au bord du lac Tanganyika en Afrique, il vit venir vers lui un homme blanc âgé, coiffé d'une casquette délavée, vêtu d'une vieille veste et d'un pantalon de tweed. Était-ce David Livingstone, l'explorateur et missionnaire écossais, le héros national, dont depuis 3 ans on était sans nouvelles et que Stanley avait pour mission de retrouver. Authentique ou pas, la petite phrase révèle toute une époque. Le 19e siècle anglo-saxon, triomphant, sûr de sa supériorité, gardien des bonnes manières de la civilisation, même lorsque 2 de ses représentants, gentlemen mal rasés et en sueur, se rencontrent au fin fond de l'Afrique, au milieu d'une foule de Noirs et d'Arabes. Ce soir, c'est donc cette rencontre mythique Stanley Livingstone que je vais raconter et à travers elle, l'incroyable épopée de ces 2 aventuriers aimantés par l'Afrique. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Guillaume Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Livingstone et Stanley, vous les connaissez bien, hein, ces messieurs, ils étaient des personnages d'un de vos romans, Traîne Savane, paru en 2014, où vous tressiez, hein, si on peut dire, 2 récits en même temps, votre propre voyage en Afrique et celui de Livingstone quelques années plus tôt, juste un peu plus d'un siècle. Alors je suppose que Livingstone, lorsque vous marchiez sur les routes du Congo, vous ne vous preniez pas pour lui. Mais pourquoi alors ce personnage ? Alors non, effectivement, je ne me prenais pas pour David Livingstone, mais... Le ton de votre livre était assez drôle. Oui. En fait, j'ai introduit Livingstone dans ce livre, dans Traîne Savane. J'avais l'image d'un héros... d'un pape des explorations africaines. Et en fait, il est ça, mais il a aussi un côté beaucoup plus sombre. Et en creusant sa biographie, je me suis rendu compte qu'il trimbalait énormément de choses et que ce serait intéressant de les mettre en parallèle de mes explorations beaucoup plus modestes. L'histoire que je vais raconter, Guillaume Jean, dans un instant, commence le 10 novembre 1871, quelques heures avant la fameuse rencontre historique. Au milieu du 19e siècle, qu'est-ce qu'on sait de l'Afrique, vu évidemment de l'Europe ? Alors, cette partie de l'Afrique, l'Afrique centrale, on la connaît très mal. Dans les atlas représentent un territoire vierge, quoi, blanc. Enfin, on connaissait pas les fleuves, pas les lacs, pas les montagnes. Le nord était un peu plus connu, mais cette partie précisément qui va entre la Zanzibar et l'embouchure du fleuve Congo, elle reste très méconnue. La forêt congolaise, personne n'y était allé. On savait quand même où était le lac Tanganyika, qui est le grand lac du centre de l'Afrique, avec le lac Victoria. Et c'est à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, il y a eu une vogue d'explorateurs qui se sont lancés dans cette région, donc qui était très mal connue. Le premier, c'est David Livingstone, qui a traversé le continent d'ouest en est en 1856-58. Et c'est comme ça qu'il a gagné une certaine célébrité. Il est devenu un véritable héros oui, au Royaume-Uni. C'était le premier blanc à faire ce trajet. Et étant pasteur, missionnaire, il avait une aura supplémentaire dans l'Angleterre victorienne. Oui, brièvement, Guillaume Jean, pouvez-vous nous rappeler un peu quel a été son parcours ? Enfin, c'est quand même assez incroyable. Il est né en 1813, donc il a 58 ans en 1871. C'est un fils d'Écossais pauvre, très pauvre. Il a 10 ans, il travaille dans des fabriques de coton. Et cet homme, finalement, est devenu missionnaire, médecin. Et son rêve, c'était quoi ? C'est d'être explorateur ? Oui, effectivement, il est né dans une famille très pauvre. Il a dû travailler tout petit, même avant 10 ans, je crois. Et une famille assez austère aussi, un père assez son père sévère. Était pasteur et très très dur avec lui et avec ses frères et sœurs. Et mais il avait une volonté de s'en sortir, de faire des choses, et notamment d'étudier. Donc il, la journée, il travaillait dans une filature de coton, et le soir, il bossait ses cours, et il a réussi comme ça à devenir médecin, ce qui n'est pas évident à l'époque. Et en plus de ça, il voulait voir du pays. Mais son père était très, qui a toujours été dur avec lui, il lui disait non, il faut que tu choisisses une voie beaucoup plus honorable. Donc il a négocié avec lui de devenir pasteur, en plus de médecin, et d'aller évangéliser. Alors, au départ, il voulait aller en Chine, je crois. Et puis, il y avait de la place en Afrique, alors il est parti pour l'Afrique. Et il est arrivé à 28 ans, 28, 29 ans, en Afrique du Sud. Il s'y est un peu ennuyé, et c'est là qu'il a eu le désir de se lancer dans des terres inconnues. Et à partir de là, il n'a pas cessé de voyager. Voilà, de 1858 à 1864, il part de nouveau dans des régions incroyables. Enfin, il a du mal à revenir en Grande-Bretagne. Et en 1866, son nouveau défi, c'était de rechercher les sources du Nil, qui était le grand débat, la grande affaire à ce moment-là. Oui, oui, parce que on commençait à quadriller le monde. Enfin, les hommes étaient allés un peu partout sur la planète. On connaissait très bien le tracé de l'Amazone, par exemple. On avait escaladé l'Everest, ou en tout cas on s'en était approché, mais on ne connaissait pas la source du Nil. Et donc Livingstone se lance cette année 1866. Et Stanley, alors c'est qui ? Lui, c'est un Gallois qui est devenu américain. Voilà, un Gallois qui a lui aussi une jeunesse très dure, placé dans un orphelinat à l'âge père de 6 ans. Ouais, mère pas très présente. Et donc à 17 ans, il traverse l'Atlantique pour aller tenter sa chance aux États-Unis. Et là, il trouve du travail sur le port de la Nouvelle-Orléans. Il change de nom, il s'appelle Henry Stanley. Le Morton viendra un peu plus tard. Et puis, il fait toutes sortes de boulots. Il s'engage dans la guerre de sécession, il déserte. Et puis, très vite, il devient journaliste. Et c'est quelqu'un qui a toujours dû se faire lui-même. Donc, il a eu assez de culot pour aller toquer à la porte du plus grand journal de l'époque, qui était le New York Herald. Il fait quelques reportages et il s'entend bien avec le rédacteur en chef, James Gordon Bennett Jr., qui assez vite lui confie cette mission. Enfin, c'est ce que dit la légende. Guillaume Jean, on continue cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1871, la rencontre de Stanley Livingstone. Un texte de vous, Guillaume Jean, donc écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Benjamin Habitant. Jusqu'au bout. Il aura fallu les pousser jusqu'au bout. Allez, plus vite! Ils sont épuisés, les pauvres. Et moi aussi. Mais il faut tenir encore. Tenir. Voilà 9 mois que je me dis ça tous les jours. 9 mois de fournaise et d'enfer. Oui, cette terre est un enfer. Ces brousses pleines d'épines. Ces jungles infestées de moustiques, ces marais puants, la poussière, les pluies que nous avons dû endurer, les fièvres qui nous font crever. Tout ça pour retrouver un foutu pasteur qui s'est sûrement perdu dans ses recherches. Mais je t'aurai. Je te mettrai la main dessus. Foi de Stanley. Le chef du village nous a bien informé hier. Le lac Tanganyika ne serait plus qu'à quelques heures de marche. Un blanc vivrait sur la berge, dans le petit port d'Ujiji. Un vieillard, a-t-il dit. Un vieux schnock parmi les nègres. Pourvu que ce soit lui. Mais tentons d'abord d'arriver au sommet de la colline pour y voir un peu plus clair. La forêt s'éclaircit. En coupant à travers ces bambous, nous devrions atteindre une ligne de crête. On dirait que On y est. Quelle vue. Cette lumière. Le lac immense. Les collines boisées qui le bordent. Et cette eau grise qui brille comme du mercure, comme de l'argent. Le Tanganyika. Le Tanganyika ! Hurrah ! Hurrah ! Et là, en bas, les cases assemblées près de la berge, entourées de champs et de palmiers, sûrement le village d'Ujiji. Allez, allez ! Courage ! Nous sommes presque arrivés ! Plus vite derrière ! 10 novembre 1871. Cela fait 235 jours que le journaliste Henry Morton Stanley marche avec sa colonne à travers l'Afrique centrale. Il est envoyé par James Gordon Bennett Jr., le rédacteur en chef du New York Herald, un des quotidiens américains les plus lus de l'époque. Sa mission, retrouver le docteur Livingstone. L'explorateur écossais, qui a connu son heure de gloire il y a quelques années, semble s'être évanoui dans la nature. Plus personne n'a de ses nouvelles depuis de longs mois. Quelques-uns se plaisent à raconter qu'il a épousé une princesse africaine et qu'il s'est volontairement coupé de la civilisation occidentale. D'autres imaginent qu'il est retenu prisonnier par une tribu de cannibales. Les optimistes espèrent le voir réapparaître sur la côte atlantique. Les pessimistes redoutent qu'il ait été dévoré par un lion. La plupart le croient perdu à jamais. Certains journaux ont même publié sa nécrologie. Et pour James Gordon Bennett Jr., le docteur missionnaire a été enterré un peu trop vite. C'est pour cela qu'il a fait appel à son journaliste vedette, Henry Morton Stanley. Un jeune homme de 30 ans, habile, vif, téméraire, débrouillard. Et une belle plume, suffisamment talentueuse pour donner du souffle à cet incroyable périple. Si la rencontre se produit. Kaloulou ! Kaloulou, viens par ici. Écoute-moi bien. Nous allons nous apprêter un peu avant d'arriver à Ujiji. Demande aux hommes de mettre de l'ordre dans leur tenue et va chercher ma veste claire dans ma caisse. Fais vite. Tout de suite, maître. Ah, et trouve aussi une brosse et du cirage pour mes bottes. Pardonnez-moi, monsieur Henri. Il faut annoncer notre caravane. Nous ne pouvons pas arriver comme des voleurs dans le village. Tu as raison, Guna. Préparez les carabines! Nous allons tirer une salve! À mon commandement, feu! Feu! Feu! Quel est l'abruti qui a tiré sur cet arbre? On tire en l'air, pas à l'horizontale! Oh, quelle bande incapable! Pardon, patron, pardon. C'est toi qui as fait ça? Aïe! Plus jamais, tu m'entends? Aïe! Plus jamais! Aïe! Hé! Cuir! Cuir là-bas! Cuir là-bas! Ah, je dirais que le village se réveille de sa sieste. Un groupe d'hommes s'avance dans notre direction. Lomani! Déroule le drapeau américain! Vite! Et sortez aussi les couleurs de Zanzibar. Ils ne nous prennent pas pour des ennemis. Rangez les armes et reprenez vos caisses, vite! Nous allons nous approcher. Vite! Vite! Votre veste, monsieur Henri. Ah oui. Et nettoie mes bottes. Ce n'est pas parce qu'on est chez les sauvages qu'on doit s'habiller comme un sauvage. Les villageois s'approchent. Nous serons vite fixés sur la présence de Livingstone. S'il est là, ma mission est accomplie. Nous serons de retour dans 3 mois. Et j'en aurai terminé avec cet enfer. Good morning, sir. Qui a dit ça? Moi, Muzungu. Vous parlez l'anglais? Oui, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis Suzy, le domestique du docteur Livingstone. Le docteur est ici? Oui. En êtes-vous sûr? Oui, monsieur. Je l'ai quitté à l'instant. Et comment se porte-t-il? Pas très bien, monsieur. Allez le prévenir de mon arrivée. Dites-lui que je m'appelle Stanley. Henry Morton Stanley. Et que j'arrive de Zanzibar. Bien sûr, monsieur. Passé cette palissade, nous entrons dans le village. Et déjà tous ces yeux qui nous regardent. Jumbo. Les cases sont bien tenues, les cours sont balayées, mais la population semble misérable. Dans quel état de santé ai-je trouvé Livingstone? Et comment va-t-il m'accueillir? À Zanzibar, tout le monde m'a dit qu'il n'aime pas beaucoup ses congénères, qu'il a un sale caractère, qu'il se met facilement en colère. Allons, le vieux médecin ne va tout de même pas se fâcher en nous voyant arriver. Si c'est bien lui. Un groupe d'hommes. Des noirs et des arabes. Mais je ne vois pas. Ah si. Un blanc. Silhouette voûtée. Vareuse rouge délavée, pantalon usé, casquette de marin. Est-ce lui? Il semble si âgé, si pâle, si maigre. Et cette longue barbe grise. Et si ce n'était pas Livingstone? Restez calme. Tout le monde me regarde. Soyons dignes. Montrons-leur le sang-froid des Blancs. Il s'avance vers moi. Est-ce lui ou pas? Comment le saluer? J'aurais pu au moins préparer une phrase. Docteur Livingstone, je présume. Lui-même. Je remercie Dieu de m'avoir permis de vous rencontrer. Et moi, je suis heureux d'être ici, à Ujiji, pour vous recevoir. Oh, très heureux. À qui ai-je l'honneur? Stanley. Henry Morton Stanley, journaliste au New York Herald. Le New York Herald? Ce journal américain? C'est la première fois que l'on voit ce drapeau par ici. Susie m'a dit que vous nous veniez de Zanzibar. C'est exact. Nous avons quitté l'île au mois de février. La route n'a pas été sans obstacle, mais nous sommes là. Oh, ça j'imagine. Combien d'hommes avez-vous? 40. J'ai perdu pas mal de porteurs avec les fièvres, les désertions. Vous devez connaître tout cela. Et beaucoup sont restés à Tabora, où nous avons fait une longue halte avant de reprendre la route jusqu'ici. Vous allez me raconter votre voyage. Mais ne restons pas au soleil. Venez vous asseoir à l'ombre devant la case. Nous y serons mieux pour discuter. Jumbo. Jumbo. Jumbo. Alaykoum salam. Tenez, prenez ce siège. Je vais vous faire apporter à boire et à manger, et également de quoi nourrir vos hommes. Halima? Oui, monsieur David. Halima, mon visiteur vient de faire un long voyage, il a soif et il a faim. Que pouvez-vous nous préparer? Il nous reste de la soupe, et on peut aussi tuer une chèvre. Il nous reste aussi un peu de thé et de café. Cela vous ira, monsieur Stanley? Ça ira. Je suis désolé, nous connaissons quelques difficultés d'approvisionnement. Quand je suis rentré de ma dernière mission de reconnaissance il y a 10 jours, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que nos réserves avaient été volées. J'ai peur que cela affecte la suite de mes recherches, car je ne pourrai plus aller très loin de cette manière. Mais vous allez voir, Halima est une excellente cuisinière. Elle prépare toutes sortes de plats délicieux, même pour un vieillard édenté comme moi. Elle est certainement la femme la plus attachante et la plus originale que j'ai jamais vue. Mais parlez-moi de vous. Par quel chemin êtes-vous passé? Bagamoyo, Mpwampwa, Tabora, la route a été longue. Nous avons été ralentis par les pluies, il a fallu contourner des terres marécageuses, les fièvres nous ont terrassés. Des tribus nous ont bloqués. Les pillards de Mirambo? Eh oui. Ces bandits ont tenté de nous extorquer des droits de passage à plusieurs reprises. Mais nous avons réussi à les déjouer en voyageant de nuit. Et hors des routes habituellement empruntées par les caravanes. Ces hommes sont redoutables. Ils sèment la terreur dans la région depuis plusieurs mois. Je dois vous l'avouer, en entendant les coups de fusil qui vous ont annoncé tout à l'heure, nous avons d'abord craint une attaque de leur part. Mais votre bannière étoilée m'a rassuré. Elle m'intrigue aussi. Permettez-moi de vous demander, que venez-vous faire dans cette région? C'est une terre qui n'est pas beaucoup fréquentée par les Blancs, il me semble. Oh, Pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Mon journal, le New York Herald, m'a envoyé jusqu'ici pour tenter de vous retrouver. Personne n'avait de vos nouvelles depuis trop longtemps. Nous voulions savoir ce que vous deveniez, comment avançaient vos recherches, quel était votre état de santé. Attendez, que venez-vous de dire? J'ai du mal à entendre. C'est pour me trouver que vous êtes venu jusqu'ici? Oui, Ça alors. Vous avez accompli tout ce voyage pour moi. Votre journal a financé une si luxueuse expédition uniquement pour me voir. Je n'arrive pas à le croire, c'est extraordinaire. Le monde entier vous croit perdu. C'était notre mission de... Perdu ? Non, je ne suis pas perdu. N'allez pas croire cela. Seulement, mes recherches sont longues, longues et pénibles. Nous sommes sans cesse interrompus dans nos progressions. Et ma santé ne me permet plus d'accomplir de longues marches. J'ai 58 ans, vous savez. Et j'en parais 10 de plus. J'ai vu tant de choses terribles. Ah oui? Vous avez certainement croisé des caravanes d'esclaves. Vous avez dû voir la souffrance dans les yeux de ces femmes et de ces hommes. La panique, la terreur, l'horreur. Oui. Je pensais que ces caravanes n'existaient plus. Mais le marché semble toujours lucratif. Ah, merci Alima. Que nous apportez-vous là? De la soupe et quelques galettes, monsieur David. Je vais vous chercher de l'eau. Servez-vous, monsieur Stanley. Moi-même, je n'ai guère d'appétit en ce moment. Mais ça me fera du bien de partager ce repas avec vous. Mangez. Et ensuite, vous me raconterez les nouvelles du monde. Mais d'abord, nous allons prier si vous le voulez bien. Seigneur Dieu, bénissez ce repas que je vais partager avec mon invité qui a accompli un long voyage pour venir jusqu'ici à Ujiji. Bénissez aussi les hommes qui l'ont accompagné. Au cours de ce premier repas que partagent les deux aventuriers, Stanley raconte les grands événements survenus sur la planète depuis que Livingstone s'était lancé dans le cœur des ténèbres en mars 1866. L'inauguration du canal de Suez entre la Méditerranée et la mer Rouge qui permettent aux navires de relier l'Europe à l'Asie sans avoir à contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. Les conséquences de la guerre de Crimée sur les relations diplomatiques européennes. La possibilité nouvelle de communiquer par télégraphe entre l'Europe et les États-Unis au moyen de câbles posés au fond de l'océan Atlantique. Et comment va l'Amérique? L'esclavage est-il définitivement aboli dans vos plantations depuis la fin de la guerre? On dirait oui. Dieu merci, puisse l'Afrique accomplir elle aussi sa guerre de sécession et se libérer de cette traite qui gangrène tout le continent. Mais donnez-moi d'autres nouvelles de votre pays. Eh bien, le général Grant a été élu à la présidence. C'est une bonne chose. Il aura la tâche de réunifier votre jeune nation. Oui, ça va pas être simple. À propos... Il est désormais possible de traverser en train tout le territoire des États-Unis. 3000 kilomètres de voies ferrées, d'est en ouest. Je n'ai pas encore eu l'honneur d'effectuer ce voyage, puisque j'ai vécu en Europe et en Asie ces dernières années, pour mes reportages. Ah oui? Où êtes-vous allé? Constantinople, Jérusalem, en Abyssinie, en Grèce, en Égypte, en Perse, en Inde... Non mais, j'y pense. J'ai du courrier à vous remettre. Du courrier que m'a confié le consul de Zanzibar. Kaloulou ! Oui, Mathieu ? Va chercher dans ma malle le sac de lettres destiné à Monsieur Livingstone. Et prends la bouteille de champagne que j'avais réservée pour l'occasion. D'accord, Mathieu. Du champagne ? Du champagne ? Je n'en ai pas bu depuis si longtemps. Les deux hommes trinquent dans des gobelets en argent que Stanley avait également pris soin de glisser dans ses bagages. Les notables du village font livrer à leur table d'autres plats qu'ils offrent aux voyageurs blancs en guise de bienvenue. Du riz en sauce, de la bouillie de maïs, du miel, des prunes, du lait, quelques poulets et même de la viande d'hippopotame. Devant cette montagne de nourriture qui leur arrive, Livingstone retrouve sa joie de vivre et son appétit. Ah, monsieur Stanley, vous me rendez la vie. Vous m'apportez une nouvelle vie. Oh, je ne sais pas si je vous apporte une nouvelle vie, mais je vous sauve d'une mort certaine. Vous n'avez plus de soucis à vous faire maintenant. Nous pourrons reprendre la route dès que mes hommes seront suffisamment reposés. Je vous demande pardon. Nous allons bientôt pouvoir rentrer à Zanzibar et à Londres. Vous êtes sauvé. Monsieur Stanley, malgré tout le respect que j'ai pour vous, il n'est pas question que je rentre. Je n'ai pas terminé ma mission. Voyez-vous, je n'ai pas encore éclairci le grand mystère de la source du Nil. Et il est hors de question que j'abandonne mes recherches. Mais vous n'allez tout de même pas rester dans cet enfer. Si, je vais rester dans cet enfer. J'y resterai autant qu'il le faudra. Voyons, vous m'avez dit que vous étiez épuisé, que vous aviez des douleurs au ventre, que vous n'aviez plus de ravitaillement. J'ai dit que je ne rentrerai pas. Mes recherches ont été vaines jusqu'à présent, mais j'ai de nouvelles intuitions. Et je les mènerai jusqu'à leur terme. Mais c'est de la... C'est très hasardeux. Je reste. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Bien. Comme vous voudrez. Sachez en tout cas que je suis à votre disposition, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Vous le savez, je ne dis pas cela contre vous. J'ai d'ailleurs beaucoup de gratitude envers vous et vous pourrez rester ici autant que vous le voudrez. Nous pourrions même... Mais il est déjà tard, monsieur Stanley. Et vous devez être épuisé. Je vais vous indiquer votre chambre. Alors ce n'était pas un rêve. J'ai bien retrouvé le docteur Livingstone. Et j'ai dormi dans sa case, au milieu de l'Afrique. Et cette malle posée sur le sol en terre battue, c'est la sienne. Et ses cartes et ses notes empilées sur ce bureau lui appartiennent également. Curieux homme. Il est épuisé. Et pourtant il garde cette force intérieure, cette flamme qui brille dans les yeux. Et il n'est pas aussi désagréable qu'on me l'avait dit. Mais comment peut-il aimer à ce point se perdre dans la savane, alors qu'il semble si malade? En tout cas, j'ai réussi ma mission. J'ai réussi ma mission. Ah, je vois déjà la une du New York Herald. Comment le reporter Henry Morton Stanley a retrouvé le docteur Livingstone? Cette fois, ma vie va vraiment changer. Ils viennent ni vendre ni acheter. Ah, monsieur Stanley, comment vous portez-vous ce matin? À merveille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Parfait. J'étais en train de raconter à Halima tous les efforts que vous avez entrepris pour venir nous trouver. Elle est très impressionnée. Nianda chai. Elle va vous préparer du thé. Je vois que vous avez commencé à ouvrir votre courrier. J'espère que je vous apporte de bonnes nouvelles. Les hommes courent à leur perte, vous devez bien le savoir. Mais les lettres de mes enfants sont pour moi le plus profond des réconforts. Tenez, mon plus jeune fils, William Oswell, il a commencé des études de médecine. Il sera docteur comme son père. Et je lis ici une lettre de ma chère Agnès, ma fille aînée. Je me réjouis de la savoir en bonne santé. Lorsque ma tâche sera accomplie, lorsque j'aurai localisé la source du Nil, je pourrai leur donner un peu de l'affection dont ils ont manqué. Vous savez, ils n'ont plus leur mère. Mary est décédée sur cette terre africaine il y a bientôt 10 ans. Déjà. J'en suis désolé. Moi aussi. Oui, Le Seigneur ne nous a pas épargnés. Vous me disiez hier que vous aviez participé à la bataille de Gettysburg lors de la guerre de Sécession. Dans cette même bataille, je vais vous confier quelque chose, Monsieur Stanley. Dans cette même bataille, j'ai perdu un fils. Mon fils aîné, Robert. Il avait 19 ans. Oh, toutes mes condoléances. Je ne savais pas. Gettysburg. Nous avons donc combattu côte à côte. J'y étais également. Savez-vous dans quelles circonstances il a été tué ? Non. Non, nous n'avons obtenu aucune information. Je ne sais même pas où repose son corps. Je... Ah, voilà notre thé. Merci, Halima. On attaque, hein ? Elle demande si vous voulez qu'elle vous serve. Volontiers. Cela me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, Monsieur Stanley. Même si j'apprécie beaucoup le contact avec les indigènes, en général, pour tout vous dire, je préfère leur compagnie à celle des Européens. Tout de même, il m'arrive parfois de me sentir seul, très seul. Mais alors, Monsieur Livingstone, pourquoi restez-vous en Afrique ? Je viens de vous le dire. J'apprécie le contact avec les gens d'ici. Ils connaissent leur terre et leur nature mieux que nous ne connaissons la nôtre. Ils m'apprennent beaucoup de choses, vous savez. Ils m'apprennent la liberté. Oh ! Non, ne riez pas, Monsieur Stanley. On vit beaucoup plus libre ici que dans les villes d'Écosse ou d'Angleterre. Les Africains sont encore préservés de la domination des machines et des industries. Les rapports humains, ils sont plus sincères. Monsieur David, tout au coup la fièvre. C'est urgent ? Oui. Je dois aller soigner un enfant qui fait une fièvre. J'ai mis au point un remède qui semble fonctionner pas mal à base de plantes qu'Alima m'a appris à reconnaître. Vous venez avec moi ? Oui. Les deux hommes vont se côtoyer pendant les 4 mois que Stanley passe au bord du lac Tanganyika. Leur relation est insolite. Le vieux pasteur écossais, qui s'est coupé du monde occidental en choisissant de vivre au milieu des Africains, côtoie l'ambitieux Stanley, qui rêve au contraire d'être connu et reconnu par le monde entier. Mais les deux personnalités vont finalement s'accorder et leur relation se transformer même en un lien filial. Livingstone enseigne à Stanley les rudiments des expéditions géographiques et de la vie en brousse. Il l'invite même à naviguer avec lui sur la partie nord du lac Tanganyika afin d'en cartographier les côtes et de déterminer si ce plan d'eau peut être une source du Nil. Stanley sent monter en lui une profonde admiration pour cet aîné et apprend auprès de lui à changer son regard sur le monde. En admettant que l'eau du Tanganyika se déverse en direction du nord, nous pourrions nous trouver en ce moment même sur la principale source du Nil. Oh, j'en serais ravi, et mon rédacteur en chef aussi. Si nous pouvions ramener ce scoop, la découverte de la source de ce fleuve majestueux. Si je pouvais y assister, ce serait formidable. Que voit-on sur la berge, là ? Où ça ? Ici, ces masses grises. Ah, ce sont des hippopotames, mon ami. Très dangereux. Ce sont d'ailleurs les animaux les plus redoutables auxquels j'ai eu affaire. Je peux savoir ce que vous faites ? Bah, j'arme mon fusil. Pour quelle raison ? Eh bien, pour leur tirer dessus. Rangez-moi ça tout de suite. Laissez ces hippopotames où ils sont et ils nous laisseront tranquilles en retour, ainsi que les villageois qui vivent sur la berge. Regardez plutôt le vert de ce champ de sorgho, le vol de ce héron. Vous êtes un contemplatif. J'ai appris à apprécier la beauté de cette terre et de son peuple. Vous savez, les Africains ont un rapport au monde bien plus riche et complexe que ne l'imaginent les Blancs. Le 28 novembre 1871, Stanley et Livingstone arrivent à la pointe nord du Tanganyika. Ils y trouvent un cours d'eau, certes, mais malheureusement, son courant va vers le lac. La rivière s'y déverse, ce qui réfute l'intuition de Livingstone. Et le mystère de la source du Nil reste entier. Quand les deux hommes reviennent à Ujiji, après 4 semaines de navigation, Stanley a beaucoup appris auprès de son aîné. Il s'est dressé une carte, il s'est déterminé avec exactitude sa position en fonction de l'heure et du soleil, et la bonté de Livingstone semble avoir adouci son cœur. Mais il ne peut rester davantage, il doit maintenant rentrer à Zanzibar pour regagner l'Europe, puis les États-Unis. Voilà, je vous laisse ces vêtements de pluie, ma longue vue et tous ces médicaments. Nous avons également confié à Halima notre surplus de victuailles. Merci, mon fils. C'est tout naturel. Et dès que j'arriverai à Zanzibar, je monterai une caravane d'approvisionnement qui vous permettra de poursuivre vos explorations. Avez-vous décidé quelle sera votre prochaine route ? Il reste encore beaucoup à faire. Il faudrait que je cartographie le sud du Tanganyika, mais surtout que je descende ce vaste fleuve qui file droit vers le nord en direction du Nil. La loi là-bas. C'est bien cela, la loi là-bas. Mais avant de m'embarquer dans ce voyage, j'aimerais définir d'où part ce cours d'eau si majestueux. Je ne vous propose pas de rentrer avec moi pour vous remettre d'aplomb avant de reprendre vos recherches ? Non. Je n'ai pas de temps à perdre. Et si je quitte l'Afrique aujourd'hui, je n'y remettrai sans doute plus les pieds. Ma place est ici, mon cher Stanley. Et s'il arrivait que je meure en Afrique, je voudrais que mon cœur soit enterré sur cette terre. Je vous comprends. Oui, je crois que je vous comprends. J'allais oublier. Voici la boussole qui a intéressé Suzy à mon arrivée. C'est un cadeau. En souvenir de son aide précieuse, vous lui donnerez ? Oui. Et moi, je vais vous confier mes notes, tous les relevés que j'ai effectués depuis 1866, les cartes que j'ai dressées. Vous les déposerez à la Société Royale de Géographie, n'est-ce pas ? Oui. Je vais aussi, si vous le voulez bien, rédiger un article pour dénoncer les activités esclavagistes qui perdurent dans la région. Et j'ai préparé quelques lettres que vous pourrez distribuer à mes enfants. Bien sûr. Les adresses sont sur les enveloppes. Prenez-en soin. Monsieur Stanley, j'aurais encore une requête à vous faire. Lorsque vous retournerez aux États-Unis, acceptez-vous de retrouver le lieu où repose mon fils Robert et de dresser une pierre en son honneur ? Cela me soulagerait tellement. Je m'y engage. Vous pouvez compter sur moi. Merci. C'est décidément une grâce de vous avoir rencontré. Au moment de se séparer, le 14 mars 1872, les deux voyageurs ont du mal à dissimuler leur émotion. Ils se disent au revoir, en se doutant qu'ils risquent de ne jamais se revoir, si on considère le mauvais état de santé de David Livingstone, l'instabilité de la région et les risques inhérents au voyage en Afrique, dans une terre encore inconnue et sauvage. Le matin du dernier jour, Livingstone marche quelques kilomètres avec Stanley avant de le laisser continuer sa route vers Zanzibar. Merci de m'avoir accompagné jusque-là, Dr. Livingstone. Mon cœur est lourd de vous laisser ici. Je voulais vous dire, ce que vous avez accompli pour me retrouver, peu d'hommes en auraient été capables. Je suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi et de ce que vos compagnons ont accompli également. Que Dieu vous bénisse, mon cher ami. Que Dieu vous ramène sain et sauf. Et que Dieu vous ramène sain et sauf parmi nous également. Je vous souhaite bien du courage pour la suite de vos recherches. Adieu. Je l'abandonne dans cette brousse. Peut-être devrais-je rester davantage auprès de lui. Mais non, je ne peux pas. Je me suis déjà suffisamment attardé. Le New York Herald m'attend. Quel homme remarquable, tout de même. Et un excellent compagnon de voyage. Un grand savant et un grand rêveur. Pas bavard, non. Mais attentif à tout. Et il sait se faire aimer par les nègres. La nuit, il dort sans craindre de se faire égorger. Je l'ai pris pour un fou, au début. Mais il a ce courage, cette détermination, cette connaissance du monde et des humains, cette sagesse. Ah, je regrette déjà de ne pas lui avoir donné la lettre que je lui ai rédigée. Je n'ai pas osé. C'est lui qui m'aurait pris pour un fou. Je lui écris comme un père. Un père, oui, c'est ça. Il est le père que j'aurais aimé avoir. Allez, camarades! Courage! En tout cas, j'ai assez de matière pour faire de Livingstone un héros en une du New York Herald. Le héros des explorations africaines. Le héros de la lutte contre l'esclavage. L'aventurier solitaire. Allons, il n'est pas complètement seul. Quelques compagnons fidèles sont avec lui. Il est même amoureux, on dirait. Il m'a confié qu'il avait promis à Halima une maison avec un grand jardin, quand il aura terminé ses recherches, quand il aura terminé d'arpenter cette savane infinie. Il s'accroche si fort à ce rêve. Oui, il faut l'imaginer heureux. Il faut l'imaginer heureux. La rencontre de Stanley Livingstone, de Guillaume Jean, avec Stanley Richard Guettier, Livingstone Jean-Marie Thiédet, Lomani Mandonga, Suzy Pacifique Bagalois, Halima Ornella Mamba, Kalulu Kezia Mamba, un porteur Antoun Koury. Bruitage Sophie Bissantz, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Sébastien Royer, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Benjamin Habitant. Vous écoutez France Inter. Dans quelques minutes, on continue la discussion avec mon invité Guillaume Jean sur Stanley et Livingstone. Babi pan babi ke ne wo Babi tar babi tem lingen Nyu kini che long I porol Nyu kini chol ni yomatai Nyu kini sros long I porol la Mbai di bi soros Di bi lo di bi le Divi on divi sem niyo Mbai divi pos Divi on divi quiz niyo Divi lo divi soros niyo Nyuki ni che long I porol Nyuki ni chol niyo matai Kinis ros long imporola, nyu kini che long imporol, nyu kini chol ni yomatai, nyu kinis ros long imporola. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Podol de Blik Bassi sur France Inter, Autant en emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alexandre Chenet et Gilles Gaillard. Guillaume Jean, c'est donc vous qui avez écrit l'histoire que je viens de raconter. Stanley a quitté, non sans une certaine tristesse, le vieux Livingstone, qu'il ne reverra sans doute jamais, il s'en doute. Et vous lui faites dire en mots de fin, il faut l'imaginer heureux. Des mots qui évoquent bien sûr ceux d'Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux dans son livre, Le mythe de Sisyphe, qui parle, pour dire un peu vite, de l'absurdité de la condition humaine. Pas sûr que Stanley aurait pu dire un truc pareil, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, Guillaume Jean? Voilà, j'ai voulu comparer Livingstone à Sisyphe. Ouais, en ouais. fait, cette quête de la source du Nil qu'il a menée donc pendant plusieurs années. Là, c'est, en 1871, ça fait 5 ans qu'il est à la recherche de la source et il en est très loin puisque malheureusement, il y a des postulats de départ qui sont pas les bons, des hypothèses qui ne sont pas les bonnes, et il s'éloigne de la source du Nil en cherchant à la trouver. Cela dit, il a trouvé la source du fleuve Congo sans le vouloir. Ouais. La source du Nil, on la connaîtra quelques années plus tard. Oui, on la connaissait déjà. On soupçonnait que le Nil venait du lac Victoria. On n'en avait pas la certitude. Et Livingstone, lui, voulait voir si jamais le Nil pouvait venir du lac Tanganyika, et même en amont du lac Tanganyika, donc plus au sud. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et donc il a erré voilà toutes ces années comme un Sisyphe des explorations. Vous dites aussi dans votre roman, Guillaume Jean, Traîne Savane, que Livingstone est une sorte de Don Quichotte. La comparaison revient souvent. Il se bat pour quoi? Contre quoi? C'est quoi ses moulins à vent à lui? Alors ces moulins à vent, ça pourrait être la bêtise humaine, mais en particulier l'esclavage. En voyageant donc toutes ces années en Afrique, il a vu l'importance que prenait l'esclavage, et notamment dans la région qui est la Tanzanie aujourd'hui, qui était très fréquentée par les esclavagistes arabes et un peu portugais. Et donc il en a fait ses ennemis personnels. Enfin, il s'est vivement opposé à ce commerce qui le hérissait plus que tout. Et c'est un commerce qui est banni, enfin interdit aussi par les Britanniques de manière générale. Donc c'est un combat qu'une Livingstone n'est pas seul à mener, en tout cas en tant que citoyen britannique. Non, mais il y avait une belle hypocrisie autour de l'esclavage, puisque ça a mis plusieurs années à être aboli. À Zanzibar, c'était toujours une plaque tournante, donc il y avait toujours des marchés aux esclaves. Et contrairement à d'autres, Livingstone s'y est vraiment franchement opposé. Donc sa mission, elle est religieuse aussi, parce que c'est quand même un missionnaire, il est missionnaire protestant. Est-ce qu'il a réussi à convertir grand monde? Non, pas grand monde. Et visiblement, il n'a converti qu'un seul Africain pendant toutes ces années passées en Afrique. Et cette personne qui s'est convertie a apostasié quelques mois après s'être convertie. Ah oui, donc en trouvant que c'était trop contraignant. Ouais. Oui. En arrivant en Afrique, il était effectivement missionnaire. Mais il a compris que c'était pas son truc, en fait. Il s'est très vite intéressé à la condition des Africains qu'il côtoyait. Et il a peut-être plus rapidement que d'autres explorateurs, il a compris qu'ils avaient une histoire et que d'arriver comme ça, de leur imposer une nouvelle religion, c'était pas très bienvenu. Et du coup, il s'est intéressé aux gens, mais aussi à l'environnement, aux alentours des villages où il vivait. Il espérait pouvoir développer les échanges. Oui, il avait une vision assez économique aussi, et tout en étant missionnaire, il espère créer des routes commerciales, il le dit clairement. Oui, oui, alors ça, cette idée de route commerciale sur le fleuve Zambèze, il l'avait formulé pour avoir des crédits pour voyager, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, pour voyager, il fallait de l'argent, et donc il fallait le chercher quelque part. Donc il est allé en demander au ministère des Affaires étrangères, au Foreign Office, et donc il avait réussi à les convaincre avec cette idée de lancer une grande artère commerciale au milieu de l'Afrique. Ça n'a pas marché, ce voyage a été un fiasco, et donc une fois qu'il est retourné en Angleterre et en Écosse, au milieu des années 60, il s'est retrouvé un peu perdu, quoi. Il savait plus trop ce qu'il allait faire. Donc, vous me demandiez quelle était sa mission. Je crois qu'il a un peu perdu pied à ce moment-là. Et puis, la controverse de l'origine des sources du Nil a réapparu dans la presse. Et il s'est dit qu'il avait peut-être une dernière carte à jouer. Et donc quand il part chercher la source du Nil, ben c'est vraiment une mission géographique. Il y a quelque chose d'une addiction quand même pour l'Afrique, hein, au-delà de l'aspect Sisyphe. Hein, il y a quelque chose, on sent de... Il est tombé amoureux de ce continent. Voilà, et puis aussi, bon, il a un peu... il fuit sa famille, on a l'impression quand même. Il avait une femme qu'il a un peu abandonnée, ce que vous racontez dans votre livre d'ailleurs. Et elle va mourir de fièvre en 1862, alors qu'elle a essayé de le rejoindre. Oui, est alcoolique, enfin, elle a quatre enfants qu'elle élève seule. C'est pas très drôle pour elle. Tu rentres en Europe avec les enfants et puis moi je continue mes explorations. Oui, on sent que sa famille l'intéresse un peu moins que les sources du Nil. Il en a souffert une fois qu'elle est morte, j'ai l'impression. Mais oui, effectivement, il était passionné par. Est-ce que Stanley a vraiment changé au contact de Livingstone? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Quand Stanley rencontre Livingstone, il a 30 ans, il ne sait pas encore trop ce qu'il va faire de sa vie, mais il est déjà bien lancé puisqu'il est reporter de guerre, enfin grand reporter disons, au New York Herald, le plus grand quotidien de l'époque. Mais il avait aussi un désir de célébrité parce qu'il a, comme je le disais tout à l'heure, il a une jeunesse très difficile et il avait un besoin de reconnaissance. Il y a deux versions. On peut dire que c'est James Gordon Bennett Jr. qui lui a commandé ce reportage d'aller chercher Livingstone. Mais il y a aussi, on peut lire aussi que c'est Stanley qui a forcé la main à James Gordon Bennett Jr. pour aller le retrouver. Un reportage qui aura un très grand retentissement dans le monde. Et puis cette fameuse histoire du Dr. Livingstone, I presume. Enfin, tout ça est devenu une légende aussi. C'est un coup de pub, un énorme coup de pub. Mais ça a pris la place d'un mythe, en fait. Ouais. Alors qu'au départ, c'était juste un jeune homme qui partait retrouver un vieil explorateur, quoi. Donc Livingstone va mourir le 1er mai 1873, son cœur, comme il le souhaitait, sera enterré en Afrique et son corps embaumé, transporté dans des conditions assez rocambolesques jusqu'à Londres, où il aura droit à des obsèques en grande pompe à l'abbaye de Westminster. Stanley, lui, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il décide de continuer les explorations de Livingstone. Un an après la mort de Livingstone, il part chercher la source du Nil, terminer la quête de Livingstone. Donc il va faire le tour du lac Tanganyika, il va descendre le fleuve Congo. Et plus tard, il s'engagera au profit du roi de Belgique, Léopold II, pour une mission pas forcément très humanitaire, on va dire, à titre féminin. Disons que Léopold II avait besoin de quelqu'un qui connaissait la région pour ouvrir des comptoirs. Il va mettre la main sur l'épaule de Stanley pour le faire. Et par la suite, Stanley aura déjà quitté Léopold II, mais effectivement, ce sera une histoire très sombre pour cette région du cœur des ténèbres. Et il mourra en 1904 à Londres, probablement dans son lit. Merci beaucoup Guillaume Jean, je conseille vivement la lecture de votre livre, Train Savane, disponible en livre de poche. Plus récemment, vous avez publié Samouraï dans la brousse, édité chez Paulsen. Et sur le sujet d'aujourd'hui, on peut lire l'indémodable et passionnant L'Afrique des explorateurs d'Anne Hugon, dans la collection Gallimard Découverte. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, nous irons à la rencontre de Léonard de Vinci et de son tableau, sinon le plus beau, du moins le plus célèbre, La Joconde. Le plus célèbre, mais à qui à y regarder de plus près, n'en conserve pas moins bien des surprises. La Joconde, un mystère de Léonard de Vinci, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, après le flash, ne manquez pas votre nouveau rendez-vous, Modern Love, avec l'excellente Nadia Dame. Très bonne soirée sur France Inter.